je la prends mille fois en photo. Les petits bistrots tout autour de la place, au soleil ont sorti leur terrasse. Mais il y avait trop de lumière et de bruit, on attendait qu'arrive la nuit. On se voyait au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans arrêt. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy, c'est très loin, c'est au bout de la terre. Ça s'éloigne à chaque anniversaire. Mais j'en suis certain, mes chagrins s'en souviennent. Le bonheur passait par la Lorraine. Il s'en est allé suivre d'autres chemins qui ne croisent pas souvent le mien. Je t'ai oublié, mais c'est plus fort que moi. Il m'arrive de penser à toi. On se voyait au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours. Eh bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. On se voyait au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours. Un grand jour aujourd'hui dans l'émission La Cerise sur le Canto, puisque nous recevons Denise. Ah, Denise, ça vous dit peut-être pas grand-chose, sauf aux anciens, ceux qui dans le temps, il y a 35 ans, écoutaient Radio Frisson. Alors s'il y en a à l'antenne, souvenez-vous, le duo Denise-Daniel, eh bien, youpi! C'était nous. Bonjour Denise. Bonjour Daniel. Alors, quelle impression ça te fait ? Ben, c'est sympa, voilà, de retrouver des studios, outre que ceux qu'on a connus, bien sûr, ça a bien évolué. Alors, je dis bonjour aux auditeurs. Voilà. Lorsque j'avais présenté ces projets d'émission de radio à Radio Fadjet, je pensais t'intégrer, et puis quand je t'ai proposé, tu m'as dit, oh, tu sais, non, tu m'as pas dit, va te faire foutre. Non. Mais, non, tu m'as dit, oh, tu sais... J'ai beaucoup de choses à faire, dis-nous tout. Bah voilà, j'ai beaucoup d'occupations, je m'occupe d'associations, j'ai des petits-enfants, 14, donc ça occupe bien les journées, et des arrière-petits-enfants. Mais c'est des lapins, alors. Oui, bah, je leur ai montré l'exemple, mais j'ai fait que deux enfants, mais je leur ai dit, allez-y, il y a la retraite à payer après, donc... Tu leur as donné le mode d'emploi. Voilà, tout à fait. Bon, en tout cas, nous sommes très heureux de t'accueillir aujourd'hui dans cette émission. Et moi, très heureuse d'être avec vous. Place à la sélection du jour. Tout comme au temps de la rengaine, allez, vas-y papa, viens me chanter des chansons nouvelles. Ou rechante-moi toutes les musiques de ce temps-là. C'est une chanson de 1968, Le temps de la rengaine, Serge Lama. C'était le temps de la fringale. On avait souvent l'estomac dans les talons pour arroser nos amygdales. Même le dimanche, on se passait de mouettes et chandons. Maman rêvait qu'elle avait une vraie cuisine, pendant que papa baritonnait aux capucines. C'était un temps chouette que ce temps-là. J'en ai les larmes aux yeux quand je pense à tout ça. C'était le temps béni de la rengaine. C'était le temps où les chanteurs avaient de la voix.

y a plus besoin de nous cacher. Tiens, tiens, du diable, hop là, y a plus besoin de nous cacher. Donne donc 100 sous à ce cocher. Un fiacre à lettre trottinant, jaune avec un crochet blanc. Un fiacre à lettre trottinant, jaune avec un crochet blanc. Arcadian, vous connaissez ? C'est un trio franco-suisse qui s'est formé en 2015. Oui, un trio, ben ils sont trois, puis celui du milieu, il a un chapeau. Ah, ça y est, ça vous dit quelque chose. Ces musiciens ont commencé à travailler ensemble sur la ligne 2 du métro et dans les bars parisiens. Ils se sont fait connaître en participant à la saison 5 de The Voice, où ils étaient coachés par Mika. Allez, Arcadian, bonjour, merci. Bonjour, tu dis merci, t'es toujours à l'heure au bureau. Le bien aimable, bien poli, on te prend jamais en défaut. T'es pas du genre qui s'énerve, qui aime taper du poing sur la table. Plutôt celui sur la réserve, qui tempère, qui calme. Combien de temps encore faudra-t-il agir comme ils aiment? Combien de bruit encore avant la couffaine? Un jour tu diras stop, t'inverseras les règles, tu claqueras cette porte pour en ouvrir une nouvelle. Un jour tu diras stop, t'inverseras les règles, tu claqueras cette porte pour en ouvrir une nouvelle. Faudrait être beau, faudrait être digne. Faudrait être fort et puis fragile. Faudrait être comme elle, comme il. Être belle, être in. Faudrait sourire même au pire. Faudrait être docile et utile. Faudrait être monsieur tout le monde et en même temps être unique. Combien de temps encore faudra-t-il agir comme ils aiment? Combien de bruit encore avant la couffaine? Un jour tu diras stop, t'inverseras les règles, tu claqueras cette porte pour en ouvrir une nouvelle. Un jour tu diras stop, t'inverseras les règles, tu claqueras cette porte pour en ouvrir une nouvelle. Un jour tu diras stop, t'inverseras les règles, tu claqueras cette porte pour en nourrir une nouvelle. Puisqu'on n'a qu'une seule vie, faudra être vivant, se laisser dévier, prendre chaque courant. T'iras plus jamais au bureau. Whatever will be. C'est une chanson populaire écrite par Jay Livingstone et Ray Evans, diffusée pour la première fois en 1956 dans le film de Hitchcock, L'homme qui en savait trop. Et cette chanson reçut l'Oscar de la meilleure chanson originale. Alors, son adaptation en français a été chantée par Jacqueline François, Lynn Renaud, François de Gelt et Dorothée. Et en 2019, la chanson est utilisée maintenant pour une publicité sur le futur de la technologie par la marque Samsung. La version de la chanson proposée est celle de Clémentine. Ah, Clémentine, vous ne connaissez peut-être pas, C'est une chanteuse française qui chante surtout au Japon, Que sera sera Clémentine. Dans le berceau d'un vieux château, une promesse vient d'arriver. Une princesse tout étonnée, à qui l'on aime chanter. Que sera, sera, demain n'est jamais certain. Laissons l'avenir venir, que sera, sera. On vit grandir et puis rêver, la jeune fille qui demandait. Dis-moi, mamie, si j'aimerais, et sa maman disait. Será, demain n'est jamais certain. Laissons l'avenir venir. Que sera, sera. S'est produit 33 fois sur la scène de l'Olympia, où il gagna son surnom de Monsieur 100 000 volts, en raison de son sens du swing, du fait des passions qu'il soulevait dans son sillage, et de ses fans qui, souvent à ses débuts, cassaient par enthousiasme les fauteuils. Il a laissé l'image d'un homme électrique toujours en mouvement, sa cravate à pois, et ses quelques 400 chansons, et sa main sur l'oreille, sont des images spécifiques qui ont marqué les esprits. Vous l'avez reconnu, Gilbert Bécaud, la ballade des baladins. Les baladins qui serpentent les routes viennent de loin, parmi les champs de blé, les bonnes gens. Regardez les écoutes,

Avez-vous mesuré le feu? Avez-vous mesuré la faim? Avez-vous mesuré ce jeu qu'on joue sans avoir l'air de rien? Je me serrais encore entre mes dents la fleur rouge du printemps. Rouge est ma peau lorsque je t'aime souvent. Après deux premiers succès placés aux premières places du top 50, Patricia Cass sort en octobre 1988 un nouveau single qui reste une confidence en chanson et qui permet à l'artiste de répondre aux intrigues des journalistes un peu trop pressants sur sa vie privée. On commençait à raconter des conneries. C'est comme les bonbons à la menthe, ça fait du bien quand il pleut. Sur une musique de François Bernheim et des paroles de Didier et Barbolivien, mon mec à moi, Patricia Cass. Il triche avec ma vie, il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme les bonbons mentent, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Ça ressemble à tout ça. Je me raconte des histoires, des scénarios chinois. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Tout ce qu'il me dit. Oh, oui. Marcel Mouloudji, 1922-1994, il était né à Neuilly-sur-Seine et ce fut un auteur, compositeur, interprète, peintre bien sûr, et acteur français, oui madame. Ses chansons tour à tour engagées et sentimentales évoquent l'amour, la guerre, la nostalgie. Entre tristesse et solitude, il a notamment interprété des poètes tels que Boris Vian et Louis Aragon. Et à partir de 2017, les marques commerciales sortent un concept innovant de publicité. Des pubs dans lesquelles on ne dit rien, ou très peu, et la chanson fait le reste. Monoprix, avec les drôles de vie, L-A-I-T, hein, les. Samsung, plus récemment, et la plus remarquée, la pub Intermarché, qui signe à la fin de la chanson « Nous sommes producteurs et commerçants pour vous aider à manger un peu mieux tous les jours ». Alors, par la même occasion, je vais citer, allez, Carrefour, Auchan, Cora, Leclerc, voilà, il y en a assez. Un chef-d'œuvre maintenant remixé par ces magiciens de bon entendeur, c'est toujours Mouloudji qui chante « L'amour, l'amour, l'amour ». C'est que sans être vraiment belle, elle avait un certain je ne sais quoi. Mais par derrière, sa tournure promettait un je ne sais quoi. Disant, hélas, une autre femme n'aura pas son je ne sais quoi. Et chacun applaudissait sa grâce et surtout son je ne sais quoi. Son propriétaire admirait son je ne sais quoi. Et velours, parfum et crinoline, rien ne vaut. Sans je ne sais quoi, une chanson de 1878 du romancier Paul de Kock, Madame Arthur, Yvette Guilbert. Madame Arthur, par Yvette Guilbert. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour. Chacun voulait être aimé d'elle, chacun la courtisait. Pourquoi? C'est que, sans être vraiment belle, elle avait un je ne sais quoi. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Sa taille était très ordinaire, et ses yeux petits, mais séduisants. Son nez retroussé, sa voix claire, ses pieds charmants et frétillants. Bref, en regardant sa figure, rien ne vous donnait de l'émoi. Mais par derrière sa tournure promettait un je ne sais quoi. Madame Arthur fait une femme qui fit parler d'elle longtemps. Sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Il fallait la voir à la danse, avec son charme sans égal. Par ses mouvements, sa cadence, elle était la reine du bal. Le cavalier lui faisant face devenait tout rouge d'émoi. Quand levant sa jupe avec grâce, il voyait son je ne sais quoi. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Pardon, disait Monsieur Prudhomme, mais de quoi donc vivait cette dame, ayant si grand train de maison, courant de l'opéra au drame, et soupant chaque soir, dit-on. Ah, ce qu'elle était, pourquoi le taire, habile à payer chaque mois, fournisseur et propriétaire, rien qu'avec son je ne sais quoi. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Et le prochain chanteur a obtenu 5 disques d'or pour la totalité des ventes de ses albums précédents en 1974 et en 1991. En 1991, le prix de la meilleure chanson aux Victoires de la musique. En 1993, le prix Vincent Scotto. En 1998, le grand prix SACEM. En 2011, il est nommé commandeur de l'Ordre des Arts et Lettres. Coach à The Voice, une chanson créole de 1987. Hélène Julien Clerc. Le satin noir sur son teint blanc, à vous peignoir que c'est troublant, oh, oh. À vous c'est troublant. Je noirais bien ces courtisans, mais j'en prendrai pour 110 ans, au moins 110 ans. Hélène, je suis pas Verlaine, mais je t'écris quand même que je t'aime.

parfois j'abandonne, c'est pour faire mieux demain. Mais que Dieu me pardonne, j'ai tout fait à l'instinct. Moi je ne suis qu'un homme, peut-être un mot en rien. Mais que Dieu me pardonne, j'ai le cœur sur la main. Si parfois j'abandonne, c'est pour faire mieux demain. Et c'est ainsi que s'achève la cerise sur le canton numéro 20. Merci à Yves pour la réalisation technique. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et merci à Denise d'avoir été des nôtres ce matin. Merci Daniel de m'avoir invité, c'était bien sympathique. C'est avec le plus grand plaisir. La prochaine cerise sur le canton, bien c'est dans 15 jours. Mais nous serons quand même avec vous dimanche prochain pour vous présenter Patchwork, à l'écoute des musiques du monde. Qu'est-ce que tu préfères, Denise ? La cerise sur le canto ou Patchwork ? Franchement, je préfère la cerise sur le canto parce que tu sais que je suis très variété française, mais je commence à m'habituer au Patchwork, oui. Très bien, très bien. Alors, rendez-vous également sur la page Facebook de l'émission. N'oubliez pas de jouer au tiercé des chansons. Ce n'est pas magouillé du tout. Puisque lorsque nous passons une liste de chansons, elle est préenregistrée et le résultat l'est aussi. Donc il est inchangeable, alors vous pouvez jouer, il n'y a pas de problème. Et un cadeau attend toujours le premier gagnant de la quinzaine. Et puis si vous avez raté l'émission ou si vous voulez la réécouter, il vous suffit de vous rendre sur le site de Radio Fagette et vous cliquez dans les émissions, vous recherchez la cerise sur le canto Fastbork. Et vous trouvez tout simplement le podcast de la dernière émission. Attention, ça ne dure que la semaine, puisque la fois d'après, c'est la dernière émission qui prend la place. Voilà, ben, quoi qu'il en soit, soyez heureux en écoutant Radio Fagette Nancy 94.2 ou sur le net, fagette.net, en ligne. Allez, au revoir.